أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى سندخل في الدرس 26 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم 28 من شهر محرم، من شهر محرم لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons entrer dans le 26e cours. C'est le 26e cours, hein? De ce même livre, les qualités sublimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes le 1er décembre 2013. La veille, nous avons commencé la lecture du chapitre concernant les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Et nous avons lu plusieurs chapitres dans lesquels on a appris que le prophète صلى الله عليه وسلم priait beaucoup la nuit longuement, à un point où ses pieds s'enflaient tellement qu'il était debout صلى الله عليه وسلم en prière. Et nous nous sommes arrêtés sur le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما quand il nous dit qu'il a passé la nuit chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de sa tante Maymouna, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu combien de raka'ah priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui peut me le rappeler? Six prières de deux raka'ah, de deux unités, c'est-à-dire 12 raka'ah. Et après, il terminait avec une raka'ah. Combien ça fait? 13. Ça, c'est le nombre d'unités de prière, de raka'ah, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir dans d'autres hadiths, on va voir un nombre différent. Notamment le hadith qu'on va lire maintenant, inshallah, qui est également rapporté par Abdullah ibn Abbas. رضي الله عنهما. Il nous dit: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه nous dit: le prophète صلى الله عليه وسلم priait la nuit 13 ركعة. Donc, pour l'instant, on voit le même nombre qui nous est cité dans le hadith juste avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, il priait 13 raka'ah. Il ne priait pas plus que 13 raka'ah sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il priait moins, comme on va voir. Et on va voir dans le hadith suivant, qui est rapporté par Aisha radiallahu anha, une autre information. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. عائشة رضي الله عنها نجيب que le prophète صلى الله عليه وسلم s'il ne priait pas au cours de la nuit, étant empêché en cela par le sommeil ou la somnolence, prenait le dessus sur ses yeux, il priait le jour un total de 12 raka'ah, alayhi salatu wassalam. Et dans ce hadith, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était continuel dans ses adorations. Il priait tout le temps la nuit sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu. Il divisait la nuit en deux parties. Et la nuit commence après la prière du Maghreb et termine avant Al-Fajr du matin. Donc, il divisait la nuit en deux moitiés. La première moitié de la nuit, sallallahu alayhi wa sallam, il la passait à dormir. Et la deuxième moitié, il la divisait en trois parties. Les deux premières parties, il les passait en prière. Et la troisième partie, il la passait allongé en attendant la prière du Fajr sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant cette nuit, il priait 13 raka'ah Et quand il lui arrivait de rater à cause du sommeil, car c'est un homme, il est fatigué, alayhi salatu wa salam, surtout qu'il a beaucoup de choses à faire, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il lui arrivait de ne pas prier la nuit, à cause du sommeil, de la fatigue, peut-être de la maladie et autres. Bah, quand il ne priait pas la nuit, il rattrapait ses prières qu'il avait ratées la nuit, le matin. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait l'obligation de prier la nuit. Contrairement à nous, les musulmans, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une obligation de prier la nuit. Alayhi salatu wa salam. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans plusieurs versets du Coran, où il donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prier la nuit. Il dit « Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila » par exemple. « Ô toi l'enveloppé, prie la nuit » ou une partie de la nuit. Donc ce sont des ordres qui étaient dirigés au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit. Et donc on voit que quand il ratait ses prières, il les rattrapait sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était accroché à ses prières. Sallallahu alayhi wa sallam. Même si pour nous ces prières ne sont pas obligatoires, celui qui a l'habitude de prier la nuit et qui à cause du sommeil ou de la fatigue n'a pas réussi à prier cette nuit, alors il est bon pour lui de rattraper ses prières le jour avec un chiffre pair, contrairement à la nuit. La nuit on prie un chiffre impair, 3 rak'a ou bien 5, 7, 9, 11, 13. Et celui qui rate ces prières-là de la nuit et qui les rattrape le jour, alors il devra les rattraper avec un nombre pair. Ça veut dire que s'il avait l'habitude de prier 3 rak'a la nuit, il priera combien le jour? 4. S'il a l'habitude de prier 5, il priera combien le jour? 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. 13, 14. L'essentiel c'est qu'il rattrape comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Mais avant de rentrer dans ce chapitre suivant, on va revenir sur le hadith qu'on vient juste de lire. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu fi ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu bil-layl min al-layl. Il nous dit: celui qui s'est endormi et qui n'a donc pas pu prier ce qu'il avait l'habitude de réciter la nuit dans la prière ou une partie, il avait par exemple l'habitude de prier quelques raka'at, 5 ou 7 la nuit, et une nuit parmi les nuits, à cause de la fatigue, il ne s'est pas réveillé, il n'a pas pu prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si il les rattrape le lendemain entre la prière du fajr et celle du dhuhr, donc c'est pendant le temps de la matinée, Allah azza wa jalla lui écrira la même récompense que s'il les avait priés la nuit. Alayhi salatu wassalam. Alors, le hadith suivant rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. C'est-à-dire, lorsque l'un de vous se lève au cours de la nuit pour la prière, qu'il commence par une prière légère de 2 rak'at, de 2 inclinaisons. Qui peut me trouver la sagesse pour laquelle celui qui prie la nuit commence par 2 rak'at légères, une prière courte? C'est pour se préparer à ce qui va suivre. C'est pour se préparer parce qu'il vient juste de se réveiller. Il commence par 2 rak'a, une prière courte, pour se préparer à prier longuement. Alayhi salatu wassalam. Et il nous dit que celui qui se lève la nuit pour prier, qu'il commence par 2 rak'a courtes. Et on vient de voir la raison pour laquelle on doit commencer par deux rak'ah courtes. Ensuite, après cela, comme vous allez le voir dans les hadiths qui vont arriver, il priait très longuement, alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith suivant, عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لا أربقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه a voulu observer la manière de prier du prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit لَأَرْمُقَنَّ صَلَاتَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, c'est-à-dire, je vais observer très attentivement la prière du prophète صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir voir le prophète عليه الصلاة والسلام la nuit et comment il priait? Il nous dit, ainsi, je m'adossais à son seuil ou à sa tente, ce qu'on appelle en arabe al-fustat, c'est Al-Khaïma, c'est la tente. Et on comprend ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas chez lui et qu'ils étaient en voyage. Car quand ils étaient en voyage et qu'ils faisaient halte dans un endroit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plaçaient une tente pour se reposer. Donc ici on voit que c'était en voyage. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, comme vous le voyez, même quand il était en déplacement, alayhi salatu wassalam. Et pour pouvoir observer la prière du prophète alayhi salatu wassalam, il s'est mis devant le seuil de la tente. Il s'est mis à l'entrée de la tente et il s'y est adossé en attendant de voir le prophète se lever pour faire ses ablutions et pour prier sallallahu alayhi wasallam. Et c'est ce qu'il s'est passé. Et aussi une des preuves que ce n'était pas chez lui, c'est que ce compagnon qui n'est pas un proche, il n'a pas un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était chez lui, il ne se serait pas permis de se mettre devant sa porte, parce que chez lui il y a sa famille, il y a ses épouses. Donc ça prouve qu'il n'était pas chez lui, alayhi salatu wassalam. Le compagnon nous dit, suite à quoi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit une prière légère de 2 inclinaisons. Retenez le nombre. Il a commencé par 2 rak'ah légères, comme on vient de le voir dans le hadith d'Abu Huraira. Ensuite, puis une autre de 2 inclinaisons moins longue là. Puis fit une longue, très longue prière de 2 inclinaisons. Mais en arabe, il le dit 3 fois. Tawilatayni, tawilatayni, tawilatayni. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 unités de prière très longues, très longues et très longues. Et quand il dit très longues, dans d'autres hadiths, on nous enseigne ce que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière de nuit. Et parfois, dans une rak'a, il récitait Al-Baqarah entièrement, Ali Imran avec, entièrement, Al-Nisa avec, entièrement, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il faisait al-ruku', l'inclinaison, il restait le même temps qu'il passait à réciter debout. Et quand il se relevait de l'inclinaison, il restait le même temps que la récitation. Et à chaque position qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, il passait le même temps que le temps qu'il met pour réciter ses longues rak'ah, enfin ses longues surah. Donc, en d'autres termes, pour vous faire comprendre un peu, c'est comme si qu'une personne sort le matin pour aller au travail et va passer sa journée et revient, et le prophète est toujours dans ses 2 rak'ah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça nous montre la quwwa, la force qu'il avait dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il a fait 2 rak'ah légères, ensuite 2 très longues, ensuite une très longue, mais moins longue que la précédente, puis une autre de deux inclinaisons moins longue que la précédente, puis une autre de deux inclinaisons moins longue que celle qui la précéda, puis une autre inclinaison moins longue que la précédente, puis accomplit al-witr, ce qui fit au total 13 rak'ah, 13 inclinaisons. Donc voilà la sunna dans la prière de la nuit. Il commence avec deux unités légères, ensuite il fait deux unités longues, et après les autres, elles sont de moins en moins longues. Pour quelle sagesse ? Tout simplement parce que les premières qu'il va prier, il va les prier dans le moment où il a le plus de forme, où il est le plus en forme, il a le plus de force. Donc il va les faire très longues. C'est-à-dire qu'il va profiter de sa force et de la vitalité qu'il a pour prier des prières longues. Et plus il prie, plus le corps se fatigue, donc il diminue. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à prier al-witr, c'est-à-dire une rak'ah, ce qui fait au total 13 unités de prière. Alayhi salat wa sallam. Donc pour l'instant, on a vu que le même nombre qui est celui de 13 unités. Le hadith suivant, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها a été interrogée par Abu Salama ibn Abd al-Rahman rahimahullah, qui lui dit comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Et à chaque fois, regardez, en premier on voit Abdullah ibn Abbas radiyallahu an qui vient dormir chez le prophète alayhi salatu wa sallam. En deuxième, on voit celui qui se met devant sa tente pour l'observer. On voit maintenant celui qui vient chez lui pour demander comment il était, comment il priait alayhi salatu wassalam. Et dans cela, on voit que les pieux prédécesseurs voulaient suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et étaient très motivés à le faire. Donc quand il a interrogé Aisha radiallahu anha, celle-ci a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou en dehors de celui-ci, ne faisait pas plus de 11 inclinaisons. Ne faisait pas plus de 11 inclinaisons. Il priait avec 4 inclinaisons. Inutile de demander ce qu'il en est de leur perfection et de leur longueur. Puis il priait avec 4 inclinaisons. Inutile aussi de demander comment était leur perfection et leur longueur. Ensuite, il priait avec 3 inclinaisons. Donc 4 plus 4, 8 plus 3, 11. Aïcha ajouta, ô envoyé d'Allah, dormirais-tu avant de faire la prière du witr? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Alayhi salatu wa sallam. Combien on a de rak'ah ici? On a 11 rak'ah. Et avant? 13. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Qui peut m'essayer de me trouver comment on fait pour concilier ces deux hadiths? Celui dans lequel on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rajoutait pas ou ne priait pas plus de 11 rak'an, et celui dans lequel on nous disait qu'il priait 13 alors que 13 est plus que 11. Est-ce que quelqu'un a la réponse à ça? Là. Il rajoutait le witr là. Là. Quelqu'un a la réponse ou pas? Non. Barakallah, exactement. ils n'ont pas compté les deux premières rak'a légères. Donc quand on nous dit qu'il prie 11 rak'a, on ne compte pas les deux rak'a qui sont légères, car c'était les rak'a d'ouverture pour se préparer. Par contre, quand on dit qu'il priait 13 rak'a, alors là on comptait les deux rak'a légères, donc il n'y a pas de contradiction. Donc en résumé, combien il priait? 13, sallallahu alayhi wa sallam, si on parle de la totalité. Maintenant, si on enlève les deux rak'a légères qui sont les prières de préparation, alors on dira qu'il priait 11, sallallahu alayhi wa sallam. En tous les cas, il ne priait pas plus que ça, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que Aïcha radiallahu anha nous le précise, que ce soit, elle nous dit que ce soit pendant Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, alayhi salatu wa sallam, il ne rajoutait pas plus de 11 rak'a. Il priait 4 unités. Il est inutile de demander d'interroger sur leur longueur et leur perfection. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait longuement. Ensuite il rajoutait 4 et ensuite il terminait avec 3. Et des fois il dormait avant l'witr. Et c'est là que Aïcha radiallahu anha lui dit au messager d'Allah, dors-tu avant de prier al-witr? C'est-à-dire, n'as-tu pas peur de rater cette prière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, certes, ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. C'est-à-dire que son cœur est attaché à la prière. Son cœur est attaché à la prière et il est prêt à se lever avant la prière du Fajr pour prier la prière du witr. Car plus elle est priée tard et mieux elle sera. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, ne priait pas plus de 11 ou 13 rak'a sallallahu alayhi wa sallam. Une question se pose: est-ce qu'il est permis aux musulmans de prier pendant Ramadan plus de 11 rak'a ou plus de 13 rak'a? Les savants ont divergé sur cela. Les savants ont divergé sur cette question. Certains s'appuient sur ces hadiths, notamment celui qu'on vient de lire, et disent qu'il faut absolument prier 11 ou 13 et ne rien rajouter à ça. Notamment l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. D'autres voient qu'il est permis de prier plus que 11 rak'a, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de 11. Ils disent que certes il est meilleur de faire 11 comme le prophète l'a fait, alayhi salatu wassalam, mais le prophète nous a permis de prier plus. Car dans un hadith, il dit à un compagnon, salatu layl mathna mathna. La prière de la nuit se fait deux par deux, c'est-à-dire deux rak'a par deux rak'a. Et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wasallam n'a pas dit deux rak'a jusqu'à 11 et il s'est arrêté. Mais il a tout simplement ouvert la porte en disant, la prière de nuit se fait deux par deux. Et il dit tout de suite après, فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحِ فَالْتُوْتِرْ بِرَكْعَ فَالْتُوْتِرْ بِرَكْعَ. Et si tu crains que ne rentre le temps de la prière du Fajr, alors fais une prière. C'est-à-dire, al-witr. C'est-à-dire que tu es en train de prier. Et tu sens que la prière du Fajr se rapproche, tu fais une rak'a et tu fais salam pour sortir de la prière. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit prier deux par deux, et il n'a dit de s'arrêter que dans le cas où on pense que le temps du Fajr s'est arrêté. Donc si quelqu'un prie deux rak'a sans arrêt jusqu'au temps du Fajr, il se peut qu'il prie beaucoup plus que 11 rak'a. C'est pourquoi plusieurs parmi les plus prédécesseurs priaient plus de 11 rak'a, comme ceux qui vivaient à la ville de Médine. Et l'imam Malik rahimahullah a rapporté que les habitants de la ville de Médine, qui étaient connus pour leur accrochement à la sunna, priaient presque une trentaine, voire plus, je ne me souviens plus du nombre, mais ils priaient plus de rak'a. Quoi qu'il en soit, c'est une divergence entre les savants, et ce n'est pas une question à discorde et qui amène à la dispute. Celui qui est convaincu par les dalils, par un avis, il s'y accroche. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le hadith suivant, وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن أي على جنبه الأيمن. عائشة رضي الله عنها ندي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, sa prière nocturne comprenait 11 rak'a, ce qu'on appelle inclinaison. Il accomplissait al-witr parmi celles-ci avec une seule inclinaison. Lorsqu'il terminait celle-ci, il s'allongeait sur le côté droit, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que quand il finissait la prière de la nuit, il prenait un temps de repos pour reprendre des forces pour la prière du matin. Ce temps de repos, il le passait allongé sur le côté droit, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle nous dit qu'il priait 11 rak'a, souvenez-vous que elle n'a pas cité les 2 rak'a qui sont qui représentent la prière de préparation, les 2 unités de prière légères pour se préparer à prier plus longtemps, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont médité sur le nombre de rak'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Combien il y en a? 11 ou 13. Ensuite, ils ont médité sur le nombre de rak'a pendant la journée, dans les prières obligatoires. Combien il y en a? 2 rak'a pour la prière du Fajr, 4 pour le Dhuhr, 4 pour le Asr, ça fait 10, 3 pour le Maghrib, ça fait 13. Et la nuit, combien de rak'a il prie? 13 rak'a. Et ils disent que il priait, sallallahu alayhi wa sallam, un nombre de rak'a égal à celui qu'il priait la journée. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, était quelqu'un de juste milieu et quelqu'un d'équilibré, notamment dans le domaine de l'adoration d'Allah et dans la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, wa'anha, rapporté par Aisha radiallahu anha également, qui nous dit, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli 9 rak'at. Aisha radiallahu anha nous dit, le prophète ou la prière nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait 9 inclinaisons. Et quand Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 9 inclinaisons, alayhi salatu wa sallam, ici c'est en fonction des situations ou des endroits où il était. Parfois il priait moins que le nombre qu'on vient de voir, 11 ou 13, alayhi salatu wa sallam. Ici on nous dit 9, parfois il priait 7, parfois 5, et ainsi de suite. Mais il ne faisait pas plus que 13 en tout, sallallahu alayhi wa sallam. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من السجود، فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va nous parler de la longueur de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Il nous dit, radiyallahu anhu, qu'il pria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, on voit combien les sahaba radiyallahu anhum étaient motivés pour suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi il priait avec lui? Pour apprendre comment il faut prier. Alors, il nous dit qu'il priait avec lui la nuit. Il ajouta, lorsqu'il entra dans la prière, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahu Akbar. Et on va pas lire cette traduction. Ici, c'est une explication qu'il faut, non pas une traduction. Donc, quand il entre dans la prière, alayhi salatu wassalam, il dit Allahu Akbar. Donc, il proclame la grandeur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va citer quatre attributs parmi les attributs d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Le premier, il dit Dhul Malakut. C'est-à-dire le détenteur de la royauté. Subhanahu wa ta'ala. Al-Malakut, en arabe, ça vient d'une base qui est Fa'alut. Et tout ce qui vient et tout ce qui ressemble à cette base-là veut dire, comment dire ça? Veut dire l'exagération dans la chose ou bien l'augmentation de la chose. Ici, quand on nous dit Al-Malakut, c'est Kathir al-Mulk. C'est l'immense royauté. C'est celui qui possède toute la royauté, subhanahu wa ta'ala. Alladhi yamliku kulli shay. Comme il nous dit dans surat Yasin, à la fin de la surah, fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay. Wa ilayhi turja'un. Exempt soit celui dans la main duquel il y a la royauté de toutes choses, et vers lui vous retournerez. C'est ce qu'on appelle al-malakut. Ensuite, il nous dit, wal-jabarut. Al-Jabarut, ça vient de Al-Jabr. Et Al-Jabr, c'est un des attributs d'Allah qui découle de son nom, Al-Jabbar, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un nom qui nous indique la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car on nous montre à travers ce nom qu'Allah domine ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Plus loin, Al-Kibriya. Al-Kibriya, c'est l'attribut qui découle du nom Al-Kabir. Subhanahu wa ta'ala. Al-Kibriya, c'est la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah nous dit wa lahu al-kibriya fi as-samawati wal ard. Subhanahu wa ta'ala, à lui la grandeur dans les cieux et la terre. Ensuite, wal 'azama. Al-'azama, c'est l'attribut qui découle du nom al-'azim, et c'est l'immensité d'Allah, l'immensité dans ses noms, dans ses attributs, l'immensité dans ses ordres, dans ses interdits, dans son droit à l'adoration, dans sa perfection, dans le fait que rien ne lui ressemble, l'immensité dans toutes ces choses-là. Donc, il commençait la prière sallallahu alayhi wa sallam en citant les noms et attributs d'Allah afin de montrer la grandeur qu'il reconnaissait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la prière n'a été légiférée que pour ressentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il récitait surat al-Baqara. Puis, il s'inclinait, sallallahu alayhi wa sallam. Et son inclinaison durait, ou avait la même durée que sa récitation. C'est-à-dire qu'il restait fur ruku' à dire subhana rabbi al-azim et à répéter cela de façon impaire. Il répétait cela et il passait le même temps dans cette position, alaykoum salam, que le temps qu'il passait à réciter toute la surah al-Baqarah. Donc vous pouvez vous imaginer la longueur de la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Abdul Razak ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, ici dans ce passage dit, et malheureusement aujourd'hui, quand, ou dans un autre passage, il dit quand une personne, ou quand l'imam, qui dirige la prière, récite que quelques versets, les fidèles qui sont derrière lui se plaignent et disent qu'il a prié trop longuement. Qu'est-ce que ces fidèles diraient s'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Al-Baqarah dans une raka'a et passer autant de temps que sa récitation dans l'inclinaison et ainsi de suite dans chaque position. Donc le fait qui la cause qui pousse la personne à prier longuement, c'est que dans son cœur il y a l'amour d'Allah, et que la prière, et que la personne aime la prière et aime dialoguer avec Allah, car à travers la prière elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez un peu sur Taha, l'histoire de Moussa alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé à Moussa, comme vous le savez. Il lui a dit: wa ma tilka bi yaminika ya Moussa, qu'est-ce que tu as dans ta main droite, ô Moussa? Moussa a dit: qala hiya asaya atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Moussa lui dit: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie et dont je me sers pour mon troupeau, et j'y ai aussi d'autres utilités. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a demandé pourquoi il a ce bâton? Répondez. Non. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a posé toutes ces questions? Il lui a dit: qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Moussa alayhi salam répond: s'il s'était contenté de dire qala hiya asay, c'est mon bâton, la réponse aurait été largement suffisante. Est-ce que l'un d'entre vous s'est posé la question pourquoi Moussa a donné les détails de ce qu'il faisait avec son bâton? Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Salim. Barakallahu fik. Pour parler le plus longtemps possible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répondu à la question qu'Allah lui a posée, mais il est dans un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas s'arrêter de parler avec Allah. Alors il essaye de rajouter. Il dit: c'est mon bâton, je m'appuie dessus, je m'en sers pour mon troupeau. Et ensuite, peut-être qu'il ne savait pas quoi dire, il a dit: et j'ai aussi d'autres utilités. Il a voulu parler le plus longtemps possible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que doit être la situation du musulman dans la prière. Il doit vouloir prier, il doit vouloir durer dans sa prière pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il disait en inclinaison: subhana rabbi al-azim. Combien de fois on nous le dit ici? Deux fois. Et pourtant on doit le dire d'un nombre impair. Comment ça se fait qu'il nous le dit deux fois? La réponse, c'est que les Arabes de l'époque, quand ils voulaient citer qu'une chose se faisait beaucoup, ils la répétaient deux fois. Quand il nous dit ici, وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ, il disait سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ, il a répété ça deux fois, c'était pour nous dire qu'il disait ça beaucoup. En fait, il ne le disait pas que deux fois. La preuve en est, hein? Quelle preuve? C'est que l'inclinaison durait le même temps que sa récitation, le même temps que réciter le Baqara, donc il ne récitait pas que deux fois. Et les Arabes, quand ils répétaient la chose deux fois, c'était pour dire qu'ils la priaient, qu'ils la répétaient plusieurs fois. Et on sait avec les autres hadiths que c'est de façon impaire qu'il faut le faire. Puis, il se levait du rukun et se tenait debout pendant le même temps qu'il prenait pour réciter le Baqara. Temps pendant lequel il disait li rabbi alhamd. Li rabbi alhamd. On peut dire aussi rabbana walakal hamd. On peut dire Allahumma rabbana walakal hamd. On peut dire rabbana lakal hamd. Et la quatrième, donc Allahumma rabbana walakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamd, rabbana lakal hamd. Et ce qu'on vient de voir ici, c'est toutes les paroles qu'on peut réciter quand on se lève du ruku'. Ensuite, il se prosternait sallallahu alayhi wa sallam pour prononcer ces paroles: Subhana rabbi al-a'la. Autant de temps que le temps de réciter sourate al-Baqara. Ensuite, il se levait de sa prosternation et il s'asseyait entre les deux prosternations pour dire Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, d'un nombre impair toujours. Et il récitait donc dans ses prières al-Baqara, Ali Imran, al-Nisa, al-Ma'ida. Et le rapporteur du hadith où un des rapporteurs du hadith qui s'appelle Shu'ba, qui fait partie des pieux prédécesseurs, a douté sur Al-Ma'ida ou bien Al-An'am. Quoi qu'il en soit, il récitait donc Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa et ensuite Al-Ma'ida ou bien Al-An'am. Quatre rak'a qui font partie, quatre sourates qui font partie des plus grandes sourates du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. عائشة رضي الله عنها nous dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se tint en prière une nuit en récitant un seul verset du Coran. Il priait une fois toute la nuit avec un seul verset. Il le répétait. Et ensuite, il faisait ruku', sujoud. Puis quand il se levait pour la deuxième raka'a, al-fatiha, et le même verset encore, il le répétait sans cesse, avec méditation, avec réflexion. Et ensuite, il priait, et ainsi de suite, sans arrêt. Et dans une version authentique du hadith, on sait c'est quel verset qu'il répétait. Alayhi salatu wassalam. Abu Dharr radiyallahu anhu nous dit que le verset qu'il récitait, c'est celui de Surat Al-Ma'ida, dans lequel Isa alayhi salam dit à Allah: In taghfir lahum fa innahum la, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ce qui veut dire: oh Allah, si tu les châties, eh bien, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur accordes ton pardon, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que parfois, ils prient avec un seul verset. Il n'y a pas de mal à répéter plusieurs fois un verset quand il est médité et quand le but est de soigner son cœur. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que, dans certains de ses livres, qu'il est meilleur de réciter un verset plusieurs fois avec méditation, dans le but d'en tirer l'essence, dans le but de renouveler sa foi, dans le but de se corriger. Il est meilleur de faire ça que de réciter tout le Coran sans rien comprendre. Car le but n'est pas simplement de dire « j'ai lu tout le Coran, j'ai récité tout le Coran ». Le but est de méditer le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ». Ce qui veut dire, c'est un livre, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre vers toi, ô prophète, vers toi, qui est béni. Il est béni dans les informations qu'il contient. Elles sont toutes véridiques. Il est béni dans les ordres qu'il contient. Ils sont tous bons. Et ils sont tous dans notre utilité. Il est béni dans ses interdictions, car il nous interdit ce qui nous fait du mal. Il est béni dans la guidée qu'il y a. Il est béni dans le fait qu'on peut se soigner avec. Le livre d'Allah Azza wa Jalla est Mubarak. Il y a beaucoup de bien dedans. Pourquoi Allah l'a-t-il révélé? Tout de suite après, il nous dit liyadabbaru ayati, afin qu'ils en méditent l'essence, waliyatadhakkara ulul albab, et que se rappellent les gens doués de raison. Albab, qui est le pluriel de lub, et lub c'est l'aql salim, la raison saine. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'a révélé le Coran que pour qu'il soit médité. Il ne l'a pas révélé afin que les gens le récitent sans comprendre le sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même indiqué que parmi les signes de la fin des temps, kafratul qurra wa qillatul ulama, l'abondance des récitateurs de Coran. Beaucoup de gens, les uns après les autres, viendront et réciteront le Coran, et peut-être même qu'ils en maîtriseront la récitation et les règles de lecture. Mais en cette époque-là, il n'y aura pas beaucoup de gens de science, de gens qui comprennent le Coran. Car à la base, le mot Qurra, qui est le pluriel de Qari, À la base, ce mot-là, il doit être cité pour celui qui lit et comprend le Coran, pour le alim, comme pour les sahaba, les lecteurs parmi les sahaba radiallahu anhum. Et ensuite, vers la fin des temps, les gens se apprendront à lire le Coran, mais ils n'en connaîtront pas le sens. Ils n'en connaîtront pas le sens. Et ne pas connaître le sens du Coran, c'est être privé d'un bien. C'est être privé d'un bien. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a peut-être pas demandé de connaître en détail tous les sens du Coran, mais au minimum de connaître le sens de surat al-Fatiha, de Qul huwa Allahu ahad, de Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, et les versets que l'on récite de façon récurrente, le verset que l'on récite souvent. Donc, les savants disent que si une personne, par exemple, trouve qu'elle a une baisse dans sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, dans sa prière, elle récite « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et elle récite ce verset, elle le médite encore. Et ainsi de suite. Même quand elle lit le Coran avec le livre, al-mushaf dans sa main, elle récite et répète les versets par lesquels elle espère se soigner. Car cela fait partie de la guérison par le Coran. La guérison par le Coran se divise en deux. Il y a al-ruqya, la récitation sur le mort, sur le malade, et il y a la méditation du Coran. La méditation de ses sens, ça guérit les cœurs. Wa nas'alu Allah at-tawfiq, qu'Allah nous aide. Le hadith suivant, an Abdillah, يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه nous dit qu'une nuit il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de se tenir debout si longuement que je songeais à faire quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais. Et de là on tire un jugement de la jurisprudence du fiqh. Que faire? Une chose qui contredit l'imam est une chose mauvaise dans la prière. Car on va voir quelle est la chose à laquelle il a pensé. À quoi songeais-tu? Lui demanda-t-on. J'ai songé à m'asseoir et à laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondit-il. Donc, c'est une chose mauvaise de contredire l'imam dans la prière et de ne pas les suivre. Et ici, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est rentré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Il ne pensait pas que la prière allait durer aussi longtemps. C'est pour ça qu'il est entré avec lui. Et plus le temps passait, plus il voyait la prière durer longtemps. Et dans un hadith, on voit que quand il a récité le Baqara, Abdullah ibn Mas'ud a dit, il s'est dit dans sa tête, le prophète va prier 100 versets et ensuite il va faire l'inclinaison en ruku'. Après les 100 versets, il a terminé le Baqara. Il s'est dit peut-être qu'il va faire 200 versets. Après les 200 versets, il a terminé la Surah. Il s'est dit, bon, il va terminer le Baqara et il va s'incliner. Ensuite, il a entamé Ali Imran et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne supportait plus la position debout, car c'était contraignant. Alors, il a dit, j'ai pensé faire une chose mauvaise. Quelle est cette chose? Il a voulu s'asseoir et arrêter de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, an Aisha radiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli jalisa fayaqra'u wa huwa jalis, fa idha baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya qama fa qara'a wa huwa qa'im thumma raka'a wa sajada ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis et récitait le Coran en étant en position assise. Et il est permis de prier al-nawafil assis. Par contre, al-farida, les prières obligatoires, il est formellement interdit de les prier assis. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et tenez-vous debout humblement devant Allah. Et c'est un ordre d'Allah. Et les savants ont tiré de ce verset que Al-Qiyam ruknun min arkan al-salah. La position debout est un pilier des piliers de la prière, sans lequel la prière est invalide. Sauf dans le cas où la prière, la personne est malade, épuisée, elle n'arrive pas. À ce moment-là, elle pourra prier assise ou couchée sur le côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jan » Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, prie couché sur le côté. Mais la personne qui prie assise, alors qu'elle est en bonne santé et qu'elle prie une prière obligatoire, sa prière elle est invalide. Et donc, on profite pour corriger l'erreur de beaucoup de gens qui prient dans leur voiture, par exemple. Ça, c'est interdit. Tu dois prier debout. Tu ne dois pas prier assis. Sauf si tu es malade. Tu peux prier assis à ce moment-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait debout. Certains savants disent que les situations où il priait debout étaient les situations où il était malade, où il était très fatigué, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que disent certains savants. Ensuite, il récitait le Coran en étant assis. Et quand il restait à réciter entre 30 et 40 versets, il se levait et continuait la récitation debout, puis s'inclinait et se prosternait et recommençait la même chose à la deuxième raka'a. Donc, on voit combien était longue sa prière puisqu'il se levait quand il restait 30 ou 40 versets. Et aujourd'hui, si l'imam récite 10 versets, le fidèle qui est derrière lui va lui dire qu'il a prié trop longtemps. Ma'al asaf, malheureusement. Et la cause de ça, c'est la maladie des cœurs. Pourquoi ? Parce que tu vas voir, mon frère, que cette même personne qui se plaint de la longueur de la prière de l'imam, tu vas voir cette même personne se tenir debout après la prière à l'entrée de la mosquée. Elle va se tenir debout en parlant avec un voisin ou un ami ou quiconque parmi les gens. Elle va rester debout peut-être pendant de longues minutes. Hein? Alors que dans la prière, cette même personne a dit à l'imam, tu as prié trop longuement. Mais quand c'est pour discuter de choses futiles et mondaines, soudainement cette même personne ne trouve plus de difficulté à rester debout. Plus loin encore, et plus grave encore, tu trouves certains parmi ces personnes qui se plaignent de la longueur de la prière de l'imam, et certains parmi eux comptent même les minutes et viennent voir l'imam pour lui dire « Fais attention car tu as prié 9 minutes. Fais attention car aujourd'hui tu as dépassé les 11 minutes. » Comme si que une minute de plus est une minute qu'on va regretter devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et cette même personne, quand elle rentre chez elle, elle n'éprouve pas de pudeur envers Allah en se tenant devant la télé à regarder et à voir avec ses yeux ce qu'Allah a interdit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, peut-être pendant 2 heures, peut-être pendant 3 heures, peut-être toute la nuit, peut-être sans dormir avec la télé. Qu'est-ce que cette personne va dire devant Allah quand Allah lui dira, pourquoi quand tu priais pendant 2 minutes? Et quand tu regardais les films, tu le faisais pendant 2 heures. Pourquoi quand tu te plaignais de la longueur de la prière, tu te tenais debout à discuter de choses futiles pendant des heures et des heures? Et dans une mosquée, un jour, quelques fidèles se sont plaints de la longueur de la prière de l'imam. Ensuite, ils sont sortis à l'entrée de la mosquée pour se plaindre de l'imam entre eux. Donc ils ont commis un péché, la médisance. Ils ont parlé derrière son dos, comme on dit. Et ils ont parlé sur l'imam. Et une personne qui est sortie les a vus. Et les a vus se tenir debout pendant de longues minutes. Plus longtemps que le temps de la prière. Cette personne qui est sortie, à qui Allah a donné la hikmah et la sagesse, a dit à ces gens qui se tenaient debout, vous venez de vous tenir debout plus longtemps que le temps passé debout dans la prière. Et ce temps-là, vous venez de le passer à faire de la riba, de la médisance. Comment se fait-il que vous n'avez pas éprouvé de difficulté à rester longtemps debout à médire sur votre frère, et quand vous êtes en prière, vous éprouvez de la difficulté à adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, le problème vient du cœur. Le problème, il vient du cœur, il ne vient pas du corps. Et celui qui a un cœur rempli de foi, celui qui a un cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, aime la prière et aime dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant sa prière. On va s'arrêter ici, inshallah, et on reprendra la semaine prochaine. Wa nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana li kulli khayr. Barakallahu fikum, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.